Hearty boy. Why, why? J'étais ce gamin, loin d'être le barge de la bande. Plutôt malin, genre de gosse à mettre les autres à l'amende. Pas trop de chagrin, car à cette époque la vie se devant soi. Le vice c'est que le temps passe, c'est aussi ce que les gens voient. Mais quand t'es môme, tu penses pas, le futur s'arrête à demain. Tu veux être président parce que tu le vois serrer des tas de mains. Tu veux être flic à New York à cause des séries télé. C'est dès le matin que t'en rêves devant les céréales et ton lait. Tu pars à l'école seul, traverse la cité endormi presque. Moment de solitude où tu relis tes poésies, mec. Pas pour les profs, mais pour la frayeur qui résulte, hein. Zéro, car à l'époque, la mort n'effraie pas plus qu'un bulletin. Dix piges, merde, on grandit comme par magie. C'est ce que répète mon père devant des photos quasi moisies. Je repasse devant la cour d'école, je m'y arrête et me dis que j'ai laissé des notes, quelques potes et ma nostalgie. J'y ai laissé des notes, quelques potes et ma nostalgie. J'y ai laissé des notes, quelques potes et ma nostalgie. J'étais ce mon macro manette de le week-end gros. À cette époque, mon Eldorado s'appelait Nintendo. Vêtu d'un accoutrement que Steve Urkel ne mettrait même pas. À croire que les années 80 voulaient que ma mère ne m'aime pas. C'est à cette époque que Tyson devint le champion du monde. La même période, Michael Jackson chantait la paix dans le monde. J'étais ce gamin éveillé mais endormi dans mes songes. J'étais ce gosse qui sommeillait bien à l'abri des mensonges. À cette époque où le Père Noël soudain ne passe plus, où l'on découvre les filles, découvre la mort en siècle d'astu. L'école n'apprend pas tout mais elle permet de faire du mercredi. Un jour qu'on attend tous comme une récréation où père se dit stop. Allez en classe plutôt fuck. Allez on se casse pas mais regarde et du bal quand son fils captivé par son cache-cache. Je repense à cette période, je m'y arrête et me dis j'y ai laissé des rires, quelques pleurs et ma nostalgie. J'y ai laissé des rires, quelques pleurs et ma nostalgie. J'y ai laissé des rires, quelques pleurs et ma nostalgie. J'étais ce gamin et ce gosse, mais ce mot m'a grandi. Dans 10 ans, je serai loin selon mon énorme envie. J'aurais peut-être de quoi me plaire dans ce monde si vaste. J'aurais peut-être de quoi me perdre si je perdais mes traces. Alors j'imagine le futur comme la fin d'une offense causée par les souvenirs et le parfum de l'enfance. Dans 10 ans, que me restera-t-il d'aujourd'hui? Mis à part ces rimes, mon sourire et ma nostalgie. Mis à part ces rimes, mon sourire et ma nostalgie. Mis à part ces rimes, mon sourire et ma nostalgie. Ma nostalgie.